Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de la Bible pour aujourd'hui, samedi le 28 janvier. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous, qui va faire la lecture ce matin. Alors, on est samedi, on a pris un peu de retard, alors désolé que la lecture soit postée un peu plus tard que d'habitude. On a profité de notre samedi matin avec un bon café et des belles discussions, donc voilà pourquoi on est plus tard ce matin. Mais nous sommes quand même présents, fidèles au poste, et nous allons lire aujourd'hui dans la version second 21. Nous continuerons nos textes habituels, donc d'abord avec Exode, chapitre 6, le verset 2, jusqu'au chapitre 7, le verset 25. Puis nous lirons ensuite le psaume 23 et le reste de nos lectures, donc en Proverbes et toujours en 1 Pierre. Alors, commençons sans plus tarder avec la lecture de Exode, chapitre 6, verset 2. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance. » Et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse, « Va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Voici leur chef de famille. Fils de Ruben, le fils aîné d'Israël, Hénoc, Palu, Hetsron et Carmi. Tels sont les clans de Ruben. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar, ainsi que Saül, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi en fonction de leur lignée. Guershon, Kehat et Merari. Lévi vécut 137 ans. Fils de Guershon, Libni et Shimei et leur clan. Fils de Kehat, Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Kehat vécut 133 ans. Fils de Merari, Makli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leur lignée. Amram prit pour femme sa tante Jochébed, et elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Jitsehar, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Uziel, Mishaël, Eltsapan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab et sœur de Nachon, et elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Tels sont les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel, et elle lui donna pour fils Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leur clan. C'est à cet Aaron et ce Moïse que l'Éternel dit « Faites sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, au roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit, « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il? » L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, « Faites un miracle », tu ordonneras à Aaron, « Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. » Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent, et tu diras au Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert, et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. » Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. » L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tous leurs réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve devint infect, les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau et il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. 7 jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. Nous continuons notre lecture dans le livre des psaumes, avec ce psaume bien connu qu'on appelle le psaume du berger, le psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous continuons avec le livre des Proverbes. Nous sommes maintenant rendus au chapitre 4 et nous lirons ce matin les versets 5 et 6 de ce chapitre qui, ici dans la version Second 21, est intitulé « La sagesse s'acquiert ». Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Et nous terminons déjà notre temps de lecture avec notre livre du Nouveau Testament. Donc nous sommes toujours dans 1 Pierre, cette épître de Pierre qui s'adresse, on se rappelle, aux chrétiens d'Asie mineure. Puis c'est une épître qui est écrite pour vraiment les conseiller, les encourager à tenir ferme dans l'opposition. Donc, nous lirons ce matin le chapitre 1, verset 13, jusqu'au chapitre 2, verset 10. Cette section est intitulée ici, toujours dans la Bible, dans la version d'aujourd'hui, la seconde 21, « Invitation à une conduite sainte ». Et nous lirons aussi au chapitre 2, « Christ, la pierre angulaire ». Lisons. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Ici, c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alors nous voulons maintenant terminer notre temps ensemble dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, Yahvé, souffle de vie, que ton nom est beau. Oui, Père, tu as révélé à Moïse et à Aaron ton nom, Éternel. On veut s'incliner devant ta grandeur ce matin, devant toute cette gloire, Seigneur, qui t'entoure. Tu es un grand Dieu, tu es le seul vrai Dieu. On vient devant toi ce matin en prière. Seigneur, on te confesse que nous sommes bien petits, que nous sommes pécheurs et que nos cœurs sont durs. Père éternel, merci d'avoir envoyé Jésus. Merci pour le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Merci parce que par lui, on peut croire en Dieu qui l'a ressuscité et qui lui a donné la gloire. Et merci parce que, à cause de tout ça, notre foi et notre espérance reposent sur toi, Seigneur. Merci parce que tu as purifié nos âmes. Merci, Seigneur, parce que tu es venu vers nous, parce que tu nous as aimés. Oui, ton nom est si glorieux, ton nom est si victorieux, ton nom est si grand. Ton amour est si grand. On ne peut que te dire merci, Seigneur, devant cet amour que tu nous portes. Tu nous inondes d'amour. Tu nous couvres de ton amour, Seigneur. On te dit merci. Et Seigneur, on a été rachetés afin qu'on puisse proclamer tes louanges. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment proclamer ce que tu as fait, proclamer combien tu es saint. Seigneur, on veut proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Merci pour ta lumière. Merci parce qu'on a obtenu compassion. Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre berger, que tu nous guides dans des verts pâturages. Merci parce qu'à travers la vallée de l'ombre de la mort, à travers les épreuves, les moments terriblement difficiles qu'on peut traverser parfois sur cette terre, tu es à nos côtés. Et on n'a à craindre aucun mal, car tu es là avec nous. Oui, Seigneur, je te prie que tu nous aides à tenir ferme dans les flots tumultueux de cette vie. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, que notre corps est ton temple et que tu nous appelles à être sobres, à rechercher une conduite sainte, car toi, tu es saint. Seigneur, aide-nous à veiller sur notre conduite. Et on te demande toutes ces choses au nom de Jésus qui nous a rachetés par son sang précieux. Sois avec chacun de nous, Seigneur, aujourd'hui, en cette fin de semaine, dans nos activités. Et puisses-tu préparer nos cœurs aussi à aller te louer, t'adorer en esprit et en vérité demain dans nos assemblées respectives, Seigneur, à l'Église. Qu'on puisse entendre ta parole, que tu puisses travailler dans nos cœurs et continuer de nous sanctifier, de nous rendre saints. Amen.